Il n'y a aucune trace de dégâts au laser ou de défauts mécaniques. C'est comme si quelque chose avait tout simplement détruit les moteurs, détruit les moteurs, détruit les moteurs, détruit les moteurs, détruit les moteurs, détruit les moteurs, détruit les moteurs, détruit les moteurs, détruit les moteurs.